Bienvenue, chers amis, sur le 105.9 de Radio Les Bords. Vous êtes connectés comme chaque jeudi soir, 21h, pour votre émission hebdomadaire L'Antichambre. Une émission qui, comme à l'accoutumée, va parcourir le meilleur de la black music, du hip-hop à l'afro-funk. Avec moi dans les studios ce soir, Naughty B. Bonsoir à tous. Et l'oncle Ben. Bonsoir. À la technique également. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu, les amis, pour cette nouvelle émission ? Alors, pour ma part, je vais débuter l'émission avec 4 nouveautés sorties entre la semaine dernière et cette semaine. Il y a de l'exclusivité là-dedans. Bien sûr. toujours à l'affût, donc l'Oben, ce sera des hip-hop et avec une petite touche de funk, si j'ai bien compris. Alors, 3 morceaux hip-hop et un morceau funk. Ok, parfait. Cool. Eh bien, moi je vais revisiter en fait l'album mythique de Nas, son premier album, Illmatic. À travers en fait plusieurs remixes de donc des morceaux tirés de cet album. Très bonne idée. Très bien. Et puis moi je clôturerai en essayant de mettre un peu d'ambiance dans le studio avec une petite sélection afro-funk, disco également, que des choses récentes, des rééditions, des edits, des compiles. Voilà. Donc ce sera en fin d'émission. Yes. Et ben, c'est très bien tout ça. Bah, je vous propose de débuter donc avec ma sélection et on va débuter avec un titre donc qui s'appelle Hot Summer Day, donc ça va très bien, ça reste circonstance. Mais attends, mais ça c'est quoi? C'est Grandmaster Flash and the Furious Five? Pas du tout, c'est un morceau de Monsieur Jaron Bombay. Ok, mais je pense que dedans il y a un petit peu le Hot Summer Day, non? Je sais plus, mais en tout cas tu verras, tu prêteras l'oreille et puis okay, tu pourras nous dire ça dans le débrief. Donc c'est un morceau qu'il a sorti là spécialement pour son nouveau podcast qui s'appelle Funkbox Reload, donc c'est l'édition été, donc il a fait cette espèce de remix et qui est disponible en téléchargement sur son Bandcamp. Donc il y a 3 versions à peu près similaires, mais bon, toujours avec un petit ajout. Et il y a 2 bonus cachés, mais ça je vous en parle pas des bonus parce que je les jouerai dans une prochaine émission et ça sera une grosse surprise. Mais si vous écoutez ces émissions généralement, vous aurez l'impression de les avoir déjà entendues. Donc voilà. Et puis après, on enchaînera avec l'exclusivité, le 2 titres du nouveau Soundside. Yes. Donc le morceau Right On, donc avec le groupe Soundside, et la phase B qui est avec le nouveau MC du groupe qui s'appelle Superstition. Ouais. Et c'est le morceau Changing of the God. Et donc ça va sortir sur un 45, c'est ça? Un 45 qui sort le 4 juillet. Okay, et l'album Walk... je rechercherai le nom de l'album, mais qui sort le même jour en digital, et il n'y a pas encore de date pour la version vinyle. Okay, ouais. Voilà. En tout cas, les morceaux en écoute avant la sortie vinyle, ça c'est la signature Oncle Ben. Ouais, grave. Donc ouais. Vas-y, donne-nous envie. C'est parti sur les 105.9 de Radio et les Bords. Yo, check it out. This is Jaron Bombay, and you're listening to L'Antichambre with Oncle Ben and El Bear. Check it out. Let me check the new style on the beat. Drop. Cooling on the corner on a hot summer's day. Just cooling on the corner on a hot summer's day. Just cooling on the corner on a hot summer's day. On a hot summer's day. On a hot summer's day. Just cooling on the on the lines in a series of poems chronologically mapped out on an atlas. Each year is the track list. Staying proactive as I spin on my axis. I'm thinking back on the moments I'm not as motivated. When life clutters my mental space and contaminates it, it's a struggle just to find peace. At times the pen and the pad's my only release. That's why I stay pursuing it, staying fresh and new with it. AI life surrounding me, that's why you see my crew in it. Yeah, we're doing it, the journey's predestined. We hit your minds high like the 120 lessons. Knowledge plus wisdom equals understanding. The effects of realism left one standing. I'm a soldier on a mission, I maneuver with stealth. So during internal battle, I'm reminding myself to ride on. Black man, ride on, you gotta ride on. Black man, ride on, the struggle just builds character when you weather the storm. So ride on, black man, ride on, ride on. Black man, ride on, you gotta ride on. Black man, ride on, the struggle just builds character when you weather the storm. So ride on. Yo, fight through the struggle. I write down the trouble, the joys and the pains. I could never bury them with a shovel. My journal is full, I'm terminal. With the pen on my iPhone, you can't tell the difference when the mic's on. Documented, I read it, then I said it. Cemented, forever you will hear how I vented. Pulled it out my heart, then put it on the paper. Now it's in the atmosphere, and no eraser can take away my ideas. Scribbling for years, all who have ears. We're here when the triumphant appears. We're moving like musical chairs. Blood, sweat, tears, put into our dreams. Try to not make it a nightmare. The words are woven and turned into a fabric. And what? The words are then spoken and you believe in magic. Notes and quotes, I wrote so many. If I had a penny for every pen that ran out. Right on, black man, right on. You gotta right on, black man, right on. The struggle just builds character when you weather the storm. So right on, black man, right on. Right on, black man, right on. You gotta right on, black man, right on. The struggle just builds character when you weather the storm. So right on. Another day, another page, another episode. As the world turns and burns, stress, I let it go. And so, I put the pen to the pad to release. Thoughts unravel, uncaging the inner beast, set free. Roam, blast my lyrics on the microphone and show. Express my thoughts when my mind's up in the zone. Another rhyme, yet another time that I design. Yes, inclined to reach and try to clear my mind. For this verse I write, on this here for night. When life hits me in my mouth and it ain't polite, I keep focused with my nose on the grind. As I scribe on the line, when it's all misaligned, I stick within an attic, through the stress and the static. I keep on a stick with this second thought automatic. Beyond the feelings and the pain that are in my brain. Mind, body and soul, with nothing to gain. I write on. Get it, get it, get it. Brothers gonna work it out. Gotcha. Beats and rhymes, what we all about. What? Here. Let them know, Sue. Sonically, I think the world is waiting for something different. What they need, Sue? Something potent. What? Something sound side. Nah, nah, nah, they go for shot for the sound side crew. Lyrically, brother, I done found my groove. The crew's marvelous, no dispute or argument. You belong in the bargain, been they found Ja Rule. I'm that golden avatarist, rhyme a kamikaze. The click's thicker than the eyebrows on Ronald Osley. No six figures, but the fly gals wanna mob me. Rip it every time my microphone's by me. They wonder how the flow's crazy, cause I'm 80s groomed. When I write lines on the paper, they like razor wounds. What can you rhyme about? Nigga, you went to timeout growing up. When I showed out, my mama raised the broom. It's Super U, George, Odyssey, and Oxon. Freeloaders notice I drive and yell shotgun. Hit a verse quicker than Wiz Khalifa could twist a reefer. A misdemeanor every time my voice hits the speaker. Somebody better tell them it's the Soundside Squad. That's who we are. You are now witnessing the changing of the guards. A shift in the culture, we back on that raw, raw. Somebody better tell them it's the Soundside Squad. That's who we are. You are now witnessing the changing of the guards. A shift in the culture, we back on that raw. Deeper than malvibrations, cultured for many nations. So heavy on the scale, throwing off your calibration. I started prepping at seven. You, George, I forged my weapon. Changing up the guards with the same lessons. Descended from the heavens, angelic beings. Keep a mic tucked under the wings. We fly at the most. Post that, quote that verse. Started from a tote at first. The crowd's berserk. It's Osiris, throwing Zeus off from Mount Olympus. Keep your bling and your trinkets. I have no interest. But I'm a materialist. My material is vintage imperial with just a shot of Pinkus. Destined, clan ran with the best of them fans. No, we rock from Afro to Anglo. Sit back in the crib and watch my little man grow. Crews run up and we be like, and so what? Somebody better tell him it's the Soundside Squad. That's who we are. You are now witnessing the changing of the guards. A shift in the culture, we back on that raw. Somebody better tell him it's the Soundside Squad. That's who we are. You are now witnessing the changing of the guards. A shift in the culture, we back on that raw. Kumar R's the ball with the bars. Your organization ain't effing with ours. Or get moved on to shit. My group's on. Bash a woodblock like Alphonse Mouzon. The quotable goat, high potent notable notes. My mind flows colder than most. Let the sound side militia show you how to do things. Crew goes hard like Wu-Tang. We like grape juice stains, nigga. We ain't trying to go nowhere. Pre-treat, guess what? Biatch, we still there. Everett, my flow clever and benevolent. Skeptics are shat on. Treat it with a reverence. 20 plus years under the belt. Aces of doubt. Legendary like the Roosevelt. No question, but if it was, here's the answer. Feed it till I'm receding like George Costanza. Somebody better tell him it's the Soundside Squad. That's who we are. You are now witnessing the changing of the guards. A shift in the culture, we back on that raw. Somebody better tell him it's the Soundside Squad. That's who we are. You are now witnessing the changing of the guards. A shift in the culture, we back on that raw. Somebody better tell him, yo God, Mr. Soundside Squad. You are now witnessing the changing of the guards. We'll be right back. Voilà, messieurs, que pensez-vous de ces nouveautés? Ben, très bonne nouveauté, superbe entrée en matière, Ben. Carrément, faut dire à John Bombay de sortir le 45 là, de Hot Summer Day. Là. Hot Summer Day. D'accord. Faut lui dire, tu lui diras? Oui, je lui enverrai un message. Ok, ça marche. Pas de souci. Donc, après ce morceau, donc Hot Summer Day de John Bombay, on s'est écouté donc les deux premiers extraits. Non, on est. Non. Les deux premiers, c'est non. Ils ont déjà sorti un petit 45, donc Ronin et All Hands on Deck, pardon. Ouais. Donc Soundside, ils avaient déjà sorti ce petit 45. Et là, le 4 juillet, donc en même temps que la version digitale de leur album, qui s'appelle Walk the Earth, donc ils vont sortir ce petit 45 encore, avec donc Right On en face A, avec le groupe Soundside, et le morceau Changing of the Gods avec donc le nouveau MC du groupe qui s'appelle Superstition, mais qui est pas un nouveau-né, hein. Ouais, non. Ouais, toi tu le connais. Ouais, il a fait des trucs terribles. Ouais, grave. D'accord. Et puis on a terminé avec un petit morceau d'un groupe de Miami qui s'appelle Fuzik, qui est un groupe donc que j'affectionne tout particulièrement. En plus, on a eu la chance d'écouter un groupe que un des membres a formé qui s'appelle Phenons. Ah, sorti. C'est les mêmes. Voilà, c'est un des musiciens, je pense, c'est le percussionniste de Fuzik. Avec le Undercover Brother, là, tout à fait. Sur Fraternity Music, ouais, okay. Group. Et ils sortent un nouvel album qui s'appelle The Break Session. Et là, ils ont la très bonne idée, normalement, tous les vendredis, de faire un petit cadeau. Et vendredi dernier, bah, c'était ce premier titre qui s'appelle Le Cloche. Et il était offert gratuitement. Donc, très généreux de leur part. Donc voilà, c'était pour ma part... la fin de ma petite sélection, et là on va enchaîner avec, vous écoutez le thème musical qui passe derrière nous, une sélection spéciale Nasty Nas. Ouais. Vas-y. J'y vais. Non, je sais pas si t'avais des choses à nous dire. Ah ouais, ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, une petite revisite de ce Illmatic qui est ô combien un classique. Holy Grail du hip-hop 90s. Et vraiment à travers les morceaux remix que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion trop d'écouter, puisque ces morceaux sont uniquement disponibles sur les maxi et encore, quoi. Et puis il y a des très très bonnes versions. Ouais, il y a des trucs terribles, ouais, c'est clair. Eh bah, très bien, je te laisse te rapprocher des platines, et puis tu nous fais cette nouvelle sélection. Restez branchés sur les 105.9 radio de Radio Hellebor dans cette nouvelle émission de l'Antichambre. It ain't hard to tell. I excel, then prevail. The mic is contacted, I attract clientele. My mic check is life or death, breathing a sniper's breath. I exhale the yellow smoke of Buddha through righteous steps, deep like the shining. Sparkle like a diamond, sneak a Uzi on the Allen, and my army jacket lining hit the earth like a comet invasion. Nazis like the Afrocentric Asian, half man, half amazing. Cause in my physical, I can't express through song. Delete stress like moon trend, then extend strong. I drink my wet with Medusa, give a shotguns in hell from the spliff that I'm lifting in hell. It ain't hard to tell. Nas is the kicker to score. Nas is the kicker to score. It ain't hard to tell. Nas is the kicker to score. Nas is the kicker to score. Nas is the kicker to score. Nas is the kicker to score. It ain't hard to tell. Nas is the kicker to score. Nas is the kicker to score. The Buddha monks in your trunk turn the bass up. Not stories by Aesop. Play salute up. Parties I shoot up. Nas to analyze. Drop a jewel. Inhale from the L. School of full well. You feel it like grill. It ain't hard to tell. I kick a skill like Shaquille holds a pill. Vocabulary spills. I'm ill. Plasmatic. I freak beat. Slam it like Iron Sheik. Jam like a tech with correct techniques. So analyze me. Surprise me. But can't magmatize me. Scanning while you're planning ways to sabotage me. I leave a froze like heroin in your nose. Nas a rock well. It ain't hard to tell. Nas, Nas, Nas is the kicker to score. Nas, Nas, Nas is the kicker to score. It ain't hard to tell. Nas, Nas is the kicker to score. Nas, Nas, Nas, Nas is the kicker to score. Nas, Nas, Nas, Nas is the kicker to score. Nas, Nas, Nas, Nas is the kicker to score. It ain't hard to tell. Nas, Nas is the kicker to score. Nas, Nas, Nas, Nas is the kicker to score. This rhythmic explosion is what But your frame of mind is chosen. I leave your brain stimulated. Niggas is frozen. Speak with criminal slang. Begin like a violin. End like Leviathan. Is deep. Well, let me try again. Wisdom be leaking out my grapefruit tree. I dominate break loose. Giving Mike's ministry cycles. Streets disciple. I rock beats that's mega trifle. And groove even smoother than moves by Villanova. You're still a soldier. I'm like Sly Stone and Cobra. Packing like a roster in the weed spot. Vocals are squeezed. Glocks. MCZs drop. Though they need not to sneak. My poetry's deep. I never fell. Nas's rap should be locked in a cell. It ain't hard to tell. Nas is the kicker that's going. Nas is the kicker that's going. It ain't hard to tell. Nas is the kicker that's going. Nas is the kicker that's going. Word is born, you got 6 minutes on that jack, kid. That shit is real. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, hey, yo. Check this shit out, man. Hey, yo, go, get a cigarette, man. Yo, here you go, here you go, here you go. Yo, check it out, man. Check out what I got here, man. What is that? What's that? Yo, it's a letter I got from my man, Nas, man. Word is born. What it say, kid? What up, kid? I know shit is rough doing your bid. When the cops came, you should've slid to my crib. Fuck it, Black, no time for looking back, it's done. Plus, congratulations, you know you got a son. I heard he looks like ya. Why don't your lady write ya? Told her she should visit, that's when she got hyper. Flippin', talking about he acts too rough. He didn't listen, he be riffin' while I'm telling him stuff. I was like, yeah, shorty don't care. She a snake too. Fuckin' with them niggas from that fake crew that hate you. But yo, guess who got shot in the dome? Peace, Jerome's niece on her way home from Jones Beach is bugged. Plus little Rob is selling drugs on the dime, hanging out with young thugs that all carry nines. And nighttime is more tripe than ever. What up with Cormega? Did you see him or y'all together? If sold and hold a foot down, represent to the fullest. Say what's up to Herb, Ice and Bullet. I left for half a hundred in your commissary. You was my nigga when push came to shove. One half to the OVE, representing kids on lockdown from stress on the street. One L to the OVE, it's all real, why the fence, son, duck that shield. One L to the OVE, representing kids on lockdown from stress on the street. One L to the OVE, it's all real, I got the hustle, son, my kid need a meal. Dear born, you'll be out soon, stay strong. Out in New York, the same shit is going on. The crackhead stalking, loud mouse is talking. Ho, check out the story yesterday when I was walking. That nigga you shot last year try to appear like he hurt something. Word him up, I heard him fronting. And he be pumping on your block. Your man gave him your Glock and now they run together. What up, son? Whatever. Since I'm on the streets, I'ma put it to a cease. But I heard you blew a nigga with an ox for the four piece. Wildin' on the Allen, but now with Elmira, better chill, cause the niggas will put that ass on fire. Last time you wrote, you said they tried you in the showers. But maintain when you come home, the corner's ours on the rails. All these crap niggas know the deal. When we start the revolution, all they probably do is squeal. But chill, see you on the next VI. I gave you my Duke's loop for kicks, plus sent your flicks. Your brother's Buck Wildin' in Fort Maine. He wrote me, he might be this case, so he come home, I'm playing low key. So stay civilized, time flies, no incarcerated, your mind dies. I hate it when your mom's cries. It kinda makes me wanna murder. For real, I even got a mask and gloves to bust slugs for one L to the OVE, representing kids on lockdown from stress on the street. One L to the OVE, it's all real, watch the fence, son, duck that shield. One L to the OVE, representing kids on lockdown from stress on the street. One L to the OVE, it's all real, I got the hustle, son, my kid need a meal. I sit back with a Buddha sack, minds in another world, thinking how can we exist through the facts, written in school textbooks, Bibles, etc. Fuck a school lecture, the lies get me vexed up. So I be ghost for my projects. I take my pen and pad for the weekend, hitting L's while I'm sleeping. A 2 day stay, you may say I need a time alone to relax my dome. No phone left and not at home. You see the streets have me stressed, something terrible. Fucking with the corners, have a nigga up in Bellevue at HDM. Hit with numbers from 8 to 10. A future in the maximum state pen. It's grim, so I comes back home. Nobody's out, but shorty do I. Rollin' two fillies together in the bridge, we call them boo-ops. He said, Nas, niggas call me bustin' off the roof. So I wear a bulletproof, a pack of black Trey Deuce. He inhaled so deep, shut his eyes like he was sleep. Started coughing when I peeked to watch me speak. I sat back like the Mac, my arm army supers black. We was chilling on these benches where he pumped his loose cracks. I took the L when he passed it. This little bastard keeps me blasted and starts talking mad shit. I had to school him, told him don't let niggas fool him. Cause when the pistol blows, the one that's murder be the cool one. Tough luck when niggas is struck, families fucked up. Could've caught your man but didn't look when you bucked up. Mistakes happen, so take heed, never bust up. If the crowd catch him solo, make the right man bleed. Shorty's laugh was cold-blooded as he spoke so foul. Only 12 trying to tell me that he liked my style. Then I rose, wiping the blunt's ass from my clothes and froze. Earth smoke through my nose and toe. My little man, I'm a ghost, I prose. Left some jewels in his skull that he can sell if he chose. Words of wisdom from Nas, try to rise up above. Keep an eye out for Jake, shorty, rock one love. One L, to the O-V-E. Representing here's a lock, never stress on the street. One L, to the O-V-E. It's all real, watch the fence, son, duck that shit. One L, to the O-V-E. Representing here's a lock, never stress on the street. It's all real, I got the hustle, so my kid need a automatic. So when I'm in your town, duck down. I take fire, whatever you desire. But I'm on point, you might miss. Never fight this, you'll be sightless when I strike this. So roll a dice, I'm stopping a bit. It's LOR, I got the pen dropping the ink. No one can stop this apocalypse. On your record player, a method layer. So run until your mayor, now it's the parlayer. You better say your prayer. I'm the New York City Slayer. I play high post and then lay low. Parlay slow and wear horns, not a halo. And keep killing, cause I'm a villain. You know what I'm saying? Yeah, I hear you, yo. You gotta let them know where you stand. You know what I'm saying? So they won't forget. No question, man. And everybody in the bridge is a villain. And you don't stop. And we out. Fort sympathique cette petite sélection de Nasty Nas. Eh ben merci Ben, écoute, c'est toujours un plaisir de revisiter les classiques en version remix comme ça, je trouve ça permet de tu vois d'avoir une, voilà, de pouvoir réécouter ces trucs qui sont maintenant un peu vieux et tout, mais avec un autre délire. Et donc pour le coup, on a commencé avec un petit It Ain't Hard to Tell, c'était le Large Pro remix. Alors à savoir que c'est déjà Large Pro qui avait fait la première instru, et là donc il a balancé le remix. On a ensuite enchaîné sur un One Love, le morceau One Love, qui s'appelle le 1L Main Mix, qui a été remixé par un crew qui s'appelle The Groove Merchants, qui est constitué de Victor Padilla et de Rodney Chapman, a.k.a. le Godfather Don de Cenobites et les liens avec Kool Keef et Ultra Magnetic MCs. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une petite exclusivité, un petit morceau qui est sorti justement donc à l'époque de Illmatic, qui s'appelle I'm a Villain, qui a finalement jamais été sorti, quoi. Et donc voilà, quoi. Peut-être un bootleg à l'époque, un truc comme ça. Je suis même pas sûr. En fait, ce morceau est sorti, et tous les autres qui ont suivi dans cette émission sont sortis sur un espèce de comment dire, pour les 20 piges du Illmatic, donc en 2015 si je me trompe pas. Il y a une espèce de réédition Illmatic XX qui est sortie en double CD et sur lesquels tu as en fait tous les remix, voilà quoi. Donc les trois morceaux que tu as joué ce soir sont extraits de cette compil, quoi. Ils sont extraits de cette réédition. Ouais. Ok. Bah très bien. Bon, on va enchaîner avec celui qui ne s'est pas encore remis de sa super prestation au Festival des Marchés du Monde. Yes. Puisqu'il continue dans tout ce qui est afro, funk, envie de nous faire bouger sur des sonorités exotiques. Ouais, c'est l'été en plus. Voilà, je suis resté bloqué là-dessus. Bah c'est l'été, c'est voilà. On va s'écouter des petits édits et des rééditions donc signés des labels qui sont habitués du genre, Mukatsuku Records, Sunway Records, Africa 7, qui est un label qui se met à rééditer pas mal de belles choses. Voilà, puis on terminera avec des choses, des sorties, enfin des productions récentes, notamment de Voilà, le groupe de Patchworks, du Quantique. Voilà, donc je vais aller m'installer, et puis si on a le temps, on débriefera tout ça rapidement. D'accord, très bien. Donc restez sur les 105.9 de Radio Hellebore avec cette sélection Afro-Funk de Monsieur DJ LBR. We'll be right back. come on. Lega mana jam la lo mu. Mm-hmm. mane ni aji Eti onu ya kasa na kano kwari Kano kwari Toujours dommage de devoir parler sur un cantique. Toujours dommage, mais on en aura plein à écouter, même prochainement. J'aurai des choses à vous présenter bientôt. Voilà, alors moi je suis parti sur un style complètement différent du vôtre, mais bon, c'est ça, les surprises de l'antichambre. Et puis c'est ça qui est cool. Bah voilà, exactement. Donc j'avais envie de partir sur des petites choses un peu afro, parce que c'est pas mal de nouveautés qui sont rentrées récemment. Le premier titre, c'était un morceau qui nous vient du Cameroun, qui date de 79, c'est Pastor Lapé, avec le titre « No Real Sekele Foya ». Donc c'est un morceau, je pense, qui est soit introuvable, soit l'original hors de prix. À mon avis, ouais. Là, c'est le label Africa 7. En fait, c'est un label assez récent qui est basé à Londres, je crois, et qui réédite pas mal de d'artistes africains des années 70-80 et qui sort des petites compiles qui s'appellent Africa Airways. Donc ce morceau, il est extrait du volume 2 des Africa Airways, donc 79, Cameroun. Ensuite, on était en Guinée avec le International Soleil Band. C'est un morceau qui date de 83 qui s'appelle Thalassa. Mais pour le coup, c'était un edit qu'on trouve sur le... Enfin, c'est une nouveauté du label Soundway Records. Donc un edit Sydney Hide and Smile. Ensuite, c'était Rimekaza. Alors, c'est Rim Kwaku Obeng qui est surtout derrière ce groupe. C'était le morceau Love Me For Real, un de ses morceaux les plus connus, et vraiment il est connu parce qu'il est terrible. Il est terrible, il est vraiment terrible. Donc là, c'était effectivement, on en parlait tout à l'heure, le label BBE a ressorti deux de ses albums, a réédité deux de ses albums, et du coup, ils ont sorti aussi un petit edit en collaboration avec le label Mukatsuku. Donc c'est Nick Weston qui a fait cet edit de Love Me For Real qu'on a écouté ce soir. Ensuite, on a écouté Sidiku Bouhari qui nous vient du Ghana. C'est aussi un morceau qui date de 83. C'était le morceau Anokwar Truth. C'était encore un edit de Hide and Smile. Donc c'est du label Soundway. C'était le morceau qui était vraiment afro-funk dans la sélection. Et puis après, on a terminé avec trois titres qui sont des choses plus récentes. Le premier, c'était Voilà Sound System avec le morceau Pas Bon. Donc voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. Ils ont vraiment sorti un bon petit album. Mm-hmm. Et ensuite, on a écouté Soul Jazz Orchestra, un titre extrait de leur dernier album qui est sorti l'année dernière. Le morceau s'appelle Cosa Cosa. C'est vraiment, j'adore ce morceau. Pour moi, c'est le meilleur de l'album. Je trouve qu'il déboîte. Manifesto, le dernier, non ? C'est ça ? C'est pas Manifesto, non, c'est encore après, je crois bien. Ou alors c'est avant, peut-être qu'ils en ont sorti un autre depuis, enfin bref, voilà. Et le dernier morceau, c'est celui qu'on a, on a écouté les premières minutes et on l'écoute en fond, c'est Quantique. C'est le morceau Mambe Nights qui est sorti à l'époque de son album Magnetica, c'était il y a déjà deux ou trois ans. Depuis, il a sorti d'autres choses et Quantique, il nous ravit toujours. Il vient de sortir un nouvel album avec, son groupe Flowering Inferno. Donc c'est la version dub reggae de Quantique. Et là, ouais. Il est vraiment purement dub et reggae, et il est vraiment terrible cet album. C'est incroyable, dès qu'il touche à quelque chose, ouais, ça marche. Clair. Donc, on va se le procurer et on vous le fera écouter sous peu. Et à savoir que, en ce qui concerne Quantique, il passe dimanche soir au Transborder à Lyon. Oui, en live band. Samedi soir, alors je crois que c'est en mode DJ cette fois au festival du Col des Milles. Ah ouais, ok. Ça se passe, c'est dans l'Isère, c'est un bon petit festival et je pense que ça va être pas mal aussi pour ceux qui veulent voir Quantique en live. Donc samedi soir au Col des Milles ou dimanche soir au Transbo. Voilà, que demander plus. Franchement, ça vaut le coup quoi. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, il va vous faire rêver quoi. Et bah, messieurs, c'est parfait pour conclure cette émission. On arrive vraiment à la fin. On est à la fin, donc on vous souhaite une bonne soirée. On vous recommande de rester connecté de toute façon sur le 105.9 d'Elébor toute la journée. Et puis on se donne rendez-vous prochain, rendez-vous jeudi prochain à 21h. Mm-hmm. Avec plaisir. Pour une nouvelle antichambre. Et bah, il n'y a pas de problème. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Ciao.